Numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, cette bonne vieille antenne de Canal B, également sur le blog de l'Asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr, ou à partir du mixcloud.com/redman. Ça c'est pour les gens qui nous écoutent en dehors du département. On va faire une dernière émission d'actu cette semaine, actu et dernière émission en direct avant des vacances bien méritées, et une série de spéciales qui nous mènera jusqu'à la fin du mois d'août, qui sera divisée en deux parties. Tout d'abord, deux émissions autour du regretté Ornette Coleman, qui nous a tiré sa révérence le mois dernier. Et on fera aussi deux émissions autour de la musique de Pierre Henry, qui lui est toujours bien en chair et en os, à l'occasion du coffret qui vient de sortir sur le label Vinyle en demande, coffret 10 LP. Ce sera une très très belle occasion pour cette spéciale que je devais vous faire depuis à peu près 12 ans et demi, depuis quasiment les débuts de l'émission L'Asile le plus sûr. On va attaquer avec un groupe que j'écoute depuis un paquet d'années aussi et qui est également cher aux oreilles des camarades de Stone Circus. Il s'agit de Acid Mother's Temple and the Melting Paraiso UFO, le combo nippon mené par le guitariste freak Kawabata Makoto, qui a sorti à peu près une cinquantaine de disques depuis le milieu des années 90, qui existe sous différentes incarnations. Là, je propose le Melting Paraiso UFO avec un disque qui s'intitule Bane Zaitan, qui vient de sortir sur le label Important Records. Alors, il s'agit d'un hommage au disque classique de 1973 du compositeur Osomu Kitajima, qui était un disque qui mélangeait électronique et composition traditionnelle japonaise, qui a été assez important apparemment pour monsieur Kawabata Makoto, qui reprend le thème de ce disque et de monsieur Kitajima et qui brode autour comme il sait très bien le faire au travers de très très longues jams dont je vous propose d'écouter un extrait. On écoute donc ce disque de Acid Mother's Temple and the Melting Paraiso UFO Benzai. Where I will live someday. Shitty Western Sea, as I sport your flat screen TV. Wouldn't matter what shape or size, it even have a price. Nothing left to stem the tide, make it faster to the other side. The products are allowed, allowed to flee and make it cross the Western Sea. The Western Sea, as a promised supplier, assistant denier. Rejection dispatcher, execution contractor, come hand in hand with me. Petite séquence pour bien se mettre en jambe dans l'asile le plus sûr avec un programme d'actu, le dernier de la saison qui a démarré avec un des derniers disques de Acid Mother's Temple and the Melting Paraiso UFO. Il s'intitule Benzaiten, donc hommage au disque classique du compositeur Osamu Kitajima de 1973. Une composition qui figure d'ailleurs aussi sur un 45 tours qu'ils avaient sorti le combo japonais sur God Unknown Records, qui sort des 45 tours split. Là, il s'agissait d'un split en compagnie d'Anthroprof. Et donc, ça fait l'objet d'un disque long avec quatre longues improvisations autour de ce Benzaiten. Un disque sorti en CD par Important Records un peu avant l'été. Donc voilà pour le combo du guitariste Freak Kawabata Makoto en compagnie de son super groupe et notamment son fidèle Tsuyama Atsushi à la basse. Et c'était enchaîné avec une formation que je ne connais pas vraiment, qui s'intitule Die Goldenen Citronen. Alors ça va vouloir dire quelque chose comme les citrons d'or. Il s'agit d'un combo punk d'Hambourg créé en 1984. Au départ, ils étaient partie prenante de la scène post-punk allemande façon Abwärts ou encore Die Toten Hosen, et progressivement, ils ont radicalisé leur style dans un registre beaucoup plus expérimental. Et ces dernières années, ils ont aussi collaboré aux côtés de Chicks on Speed et aussi de Peaches. Et des membres d'origine, il ne reste, si je ne m'abuse, que le chanteur qui s'appelle Sorsch Cameroun. Voilà donc pour Die Goldenen Citronen, qui vont publier un nouveau disque à la rentrée. Ça va sortir en septembre et c'était un avant-goût qu'on peut retrouver sur la compilation du magazine anglais The Wire du mois d'août, le Wire Taper 38 qui accompagne la livraison du magazine londonien. Très très beau numéro dans lequel on peut retrouver notamment un très beau dossier autour de la scène psychédélique anglaise, notamment autour retour d'Ashtray Navigations, le groupe de monsieur Phil Todd et toute la scène du Yorkshire, plutôt underground, type Vibra Cathedral Orchestra, Astral Social Club et pas mal d'autres. Donc une longue interview de Phil Todd de Ashtray Navigations et un bond d'écoute avec les bonnes pages de cette musique underground psyché sur la moitié du numéro. Pas mal de chroniques comme toujours, aussi un petit dossier autour de Ornette Coleman et donc ce CD le Wiretaper 38 qui accompagne cette livraison qui est en kiosque dans les bonnes maisons de presse, voilà si vous n'êtes pas abonné. Et donc pour en revenir à Die Goldenen Zitronen, le disque devrait s'intituler Floating a Dead Frog et ça sortira en vinyle et en CD sur Altin Village et Mine, je crois, ça sort mi-septembre, sera distribué notamment par More Music. On va continuer avec une autre formation qui fait l'objet d'un titre en version édite sur ce Wiretaper 38. Il s'agit de Guapo, le groupe de rock progressif avant-garde, matinée de musique nouvelle britannique menée par Mr. Daniel O'Sullivan aux différents claviers et multi-instruments, qui est un membre assez important de la scène underground britannique, lui aussi depuis une bonne vingtaine d'années, notamment au sein de projets tels que Ulver. Il a aussi collaboré aux côtés de Sun dans Aeténor ou encore il fait partie du duo Grumbling Fleur et il collabore donc beaucoup aux côtés de Stephen O'Malley ou encore de David Tibet de Current 93. Et Guapo a sorti un tout nouvel album au printemps sur le label américain Cuneiform Records qui publie régulièrement leur musique depuis une demi-douzaine d'années. Ils ont sorti une petite dizaines de disques. Celui-ci s'intitule Obscure Knowledge. Alors, comme toujours avec Guapo, c'est assez grandiloquent, mais il y a quelques éclairs de génie à l'image de cette séquence qui se retrouve donc sur le Wiretaper 38 qui a isolé une très belle séquence de ce disque de Guapo qui fait pas mal penser à de la musique ethnique. C'est vraiment très très chouette, on écoute un bout de ce Obscure Knowledge par Guapo. ambiance, hein. Tantinet tonitruante, sur antenne du 94 MHz, mais il fallait bien ça pour nous réveiller de notre torpeur estivale qui a démarré avec une pièce extraite du nouveau disque de Guapo qui s'intitule Obscure Knowledge. Et c'est vrai qu'il s'y connaît en occultisme, monsieur Daniel O'Sullivan. C'est sorti sur Cuneiform Records. Et là, il s'agissait d'un extrait avec les sonorités très hourdi-gourdi de ce disque où il y a aussi beaucoup de guitares, pas que des sonorités un peu ethno, musique nouvelle, sur ce nouveau disque de Guapo qui comporte trois très longues séquences. Donc l'album Obscure Knowledge qui était enchaîné avec un excellent disque que j'ai découvert récemment, un projet que j'ai découvert aussi récemment. Je crois pas me souvenir d'avoir écouté leur premier album qui était sorti il y a tout juste 4 ans sur Northern Spy. Il s'agit du combo The Spanish Donkey, un combo qui pratique les jams de manière assez frénétique et furieuse. Un combo new-yorkais dans lequel on retrouve Joe Morris à la guitare, Jamie Saft, collaborateur régulier d'à peu près tous les projets de John Zorn depuis la fin des années 90, est aux différents claviers, et Mike Pride est à la batterie. Mike Pride qu'on écoute assez régulièrement ces temps-ci dans les îles les plus sûres, puisque les deux dernières semaines il jouait dans des groupes qu'on vous a proposés, notamment le groupe à deux contrebasses du saxophoniste Yoni Kretzmer, ou aussi aux côtés de Dave Rampis. Alors cet excellent album de The Spanish Donkey s'intitule tout bonnement Raoul. Il est sorti sur l'étiquette britannique Rare Noise, qui sort beaucoup de très très bonnes choses ces derniers temps, notamment cette année aussi, il y a ça quelques mois, une rencontre entre Merzbo, Mats Gustafsson, Thurston Moore et Palace Bandy. Il a aussi sorti ce label Rare Noise, un autre projet dans lequel on retrouve monsieur Jamie Saft aux côtés de Bobby Previte et Steve Swallow. Ça c'est pour vous planter un peu le décor de ce label qui existe depuis une demi-douzaine d'années et qui est vraiment très très bon, à l'image de ce Raoul par The Spanish Donkey. Trois longues jams vraiment hautement et chaudement, même si je devrais pas dire chaudement, par les temps qui courent, recommandable. Voilà pour The Spanish Donkey. On va continuer avec un groupe que je n'ai pas beaucoup pratiqué non plus, et pourtant Dieu sait que j'aurais pu les écouter abondamment vu mon âge bien avancé. Il s'agit de Flyer Saucer Attack, groupe de space rock un peu expérimental sur les bords, fondé à Bristol en 1992. Alors, il ne pratiquait pas du tout le trip-hop à cette époque, mais plutôt une sorte de musique un peu shoegaze de l'après Jesus and Mary Chain. Ils étaient très proches des groupes Crescent ou encore Third Eye Foundation, le projet de Matt Elliott, dans lequel collaborait le leader de Flying Saucer Attack, David Pierce. Et après un hiatus d'à peu près 15 ans, ils viennent tout juste de faire paraître un tout nouvel album. C'est sorti sur le label Drag City. Alors c'est tout frais, hein. Ça vient de sortir mi-juillet. L'album s'intitule Instrumental et il est vraiment très très réussi. On pense pas mal aussi à du Metal Machine Music de Lou Reed, des choses comme ça, mais dans une version un peu plus lo-fi et dans un registre un peu plus expérimentation space rock. On écoute un extrait de ce Instrumentals de Flying Saucer Attack. Et juste pour vous signaler également que dans la livraison du mois d'août du magazine anglais The Wire figure également un énorme dossier autour de cette formation Flying Saucer Attack et des autres projets UFO, comme ils appellent ça, de Bristol. Donc dossier très très recommandable qui m'a appris beaucoup de choses sur cette scène britannique. Donc beaucoup de Britanniques dans le magazine de ce mois d'août. Voilà, on écoute le titre, l'instrumental numéro 11 de Flying Saucer Attack. Séquence tout en planerie tripante dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec le dernier album des aventures de monsieur David Pierce et son projet Flying Saucer Attack qui vient tout juste de revivifier avec un album qui s'appelle Instrumentals qui vient tout juste de sortir sur le label Drag City et qui était enchaîné avec le tout nouvel opus de la société des timides à la parade des oiseaux. Il s'intitule L'imparfait multiple de Dieu. Il est composé de trois longues pièces. Un Dieu est un passage dernier dont on écoutait, on va dire, presque la première moitié. Après, ça change complètement d'ambiance, comme souvent dans les compositions à tiroir et à showstrap de la STPO, qui est le plus vieux groupe rennais en activité, puisqu'ils ont démarré vers 1983-84. On se souvient qu'ils avaient fêté leurs 30 ans, fin d'année 2014, au Jardin Moderne. On avait reçu d'ailleurs le chanteur Pascal Kodjikian à cette occasion. L'émission est toujours réécoutable d'ailleurs sur le site de l'Asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr. L'imparfait multiple de Dieu qui est sorti en CD, qui doit être le cinquième, peut-être sixième album long de la STPO, qui n'a pas produit tant que ça finalement, un album long tous les 4-5 ans à peu près, et puis aussi des compilations de titres, des splits, des choses un peu différentes d'un album long. Et donc là, trois longues pièces qui marquent l'arrivée du nouveau musicien, le violoniste Sébastien Desloges, violoniste et bassiste, et qui contribue largement aux compositions qui sont peut-être un tantinet plus mélodiques, moins rugueuses et peut-être un peu moins dans le post-rock que ce qu'il ne pratiquait préalablement. Un album vraiment très très abouti, et la STPO joue ce week-end, ce 25 juillet, c'est-à-dire samedi, en Lituanie, figurez-vous, au festival Skramp, qui se déroule du 24 au 26 dans la campagne tout près de Vilnius. Donc si ça vous dit une escapade en Lituanie ce week-end, ils joueront notamment Klimperai en compagnie de Madame Patate, ou encore le projet Noir Boy George de Metz, des Japonais, des Allemands, le projet psyché belge Ignatz, des installations sonores et visuelles, quantité de projets dans l'expérimentation totalement inconnus au bataillon pour ce festival Skramp, dans lequel se produiront donc les Timides, qui joueront ce titre d'ailleurs, je crois, Un Dieu est un passé passage dernier, de même que leur longue pièce Les Liquidateurs, pardon, qui a fait l'objet aussi d'une galette vinylique sur le label de notre camarade Denis Tabugu, Un Polisson. Voilà, vous savez tout sur la STPO, et on va continuer avec un projet d'un musicien qui est pas si éloigné finalement de la STPO. Il s'agit de Nick Mott, musicien multi-instrumentiste qui a fait partie de Volcano The Bear. Alors c'était il y a un paquet d'années, depuis il a une carrière plutôt tout seul, en tout cas en dehors de Volcano The Bear, notamment au sein du projet Spectral Armies, avec lequel il a sorti un très bon disque sur Alt Vinyl. Il sort des choses tous les 2 ans à peu près, sur différents noms: Songs of Norway, Skeleton Birds and the Number of God, toujours illustré par ses propres dessins totalement dada et très très réussis. D'ailleurs, comme l'est aussi la pochette de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux, on est dans un registre un peu fantasmagorique d'un univers assez proche. Ce nouvel album s'intitule Here Begins the Great Destroyer. Il est sorti sur l'excellent label Lumberton Trading Company, qui sort beaucoup de choses un peu dans le psychédélisme post-Coil, notamment la musique de Sing Paul Sandra ou encore celle d'Andrew Lies. J'avais eu l'occasion de vous passer déjà 2 extraits au printemps dernier de ce disque de Nick Mott, Here Begins the Great Destroyer. Je souhaitais vous repasser un nouvel extrait, ce qui va être chose faite avec ce titre, The Host. Thank you. Alors avouez qu'avec cette séquence de musique électronique, on vous gâte. Musique électronique que vous n'entendrez nulle part ailleurs que dans l'asile le plus sûr pour cette dernière émission en direct et d'actualité de la saison. Une séquence qui a démarré avec Nick Mott et un extrait de son tout nouvel album Here Begins the Great Destroyer. C'est sorti sur la compagnie Lumberton Trading en CD, une série de petites vignettes dans le registre un peu post-residence, post coil, post psychédélisme électronique, je ne sais pas trop quoi, et qui était enchaîné avec une autre formation que j'aime beaucoup, formation extraite du fameux collectif le Los Angeles Free Music Society. Il s'agissait de Le Fort et Fort, dans lequel on retrouvait notamment Rick Potts et ou encore Chip Chapman et autres musiciens totalement décalés des années 80-90. Ils avaient sorti un certain nombre de disques. Bon, c'était même à partir de milieu des années 70. Ils avaient fait partie des premières incarnations du Los Angeles Free Music Society qui s'était créé, je crois, vers 1973, dans lequel aussi officiait SMECMA, même si eux se sont plutôt établis à Portland et sont des pièces rajoutées du Los Angeles Society, dans lequel on retrouvait notamment les Doudouettes. Et il y a eu des coffrets aussi qui retraçaient un peu l'histoire de ce collectif totalement incroyable, bon, un peu un collectif de l'après Captain Beefheart Frank Zappa, mais version dada électronique. Y officiait notamment Tom Rekion. Et pourquoi je vous passais le Fort et Fort, c'est à l'occasion de la réédition d'une cassette qu'ils avaient fait paraître en 1985, qu'on écoutait en milieu de séquence sous le titre Hallucinatory Rareches. Une cassette de musique électronique totalement ébouriffante et totalement inécoutable, rééditée enfin en vinyle par le label qui l'avait produite à l'époque. Il s'agit du label des Pays-Bas Slow Scan, qui commence à rééditer un peu son catalogue avec des choses qui sont sorties récemment, notamment je pense aussi à des archives de Richard Maxfield qu'ils ont fait paraître les gens de Slow Scan. Et à l'époque, dans les années 80, ils sortaient des cassettes split, par exemple entre Tom Rekion, l'américain donc du Los Angeles Free Music Society, ou encore Jade Fair, plutôt dans le registre des musiques nouvelles et des bizarreries des années 80 jusqu'à nos jours, puisqu'ils continuent de produire des choses nouvelles. le label Slow Scan. Et juste, on terminait avec une compilation qui s'appelle Idna Upna, sous-titrée Experimental Studio Bratislava Série Number One. Et il s'agit donc d'une anthologie, une compilation centrée sur la musique électronique slovaque des années 60 à aujourd'hui, à l'occasion des 50 ans du studio expérimental EXS, qui fut fondé donc en 1964 à Bratislava par les compositeurs Peter Kolman et Joseph Malovec. Et c'est un studio qui a été très important aussi dans l'histoire de la radio nationale slovaque, évidemment avec des creux et des bas du fait des autorités communistes, mais il a été très important pour que les Slovaques s'émancipent de l'influence tchèque, polonaise ou encore allemande. Et donc ce LP Idna Upna, qui veut dire autre musique apparemment en slovaque, collige différentes pièces de différentes époques, depuis le milieu des années 60, non, depuis même 61 jusqu'à 2005, donc avec pas mal de choses aussi dans les années 70, fin 60, début 70, à l'image de ce qu'on écoutait pour terminer la séquence, le morceau Théorema par Joseph Malovec, pour lequel je n'ai pas beaucoup d'informations. Je ne vais pas vous lire l'excellent insert qui accompagne cette compilation vinyle, qui est donc un volume one. Il y en a trois qui sont à paraître. Donc il y a un texte en anglais et le texte d'origine donc en slovaque pour cette compilation Idna Upna, qui est accompagnée par un CD qui reprend les mêmes pièces et en version longue pour les titres in extenso, et notamment les pièces les plus récentes. Donc c'est vraiment très recommandé si vous intéressez aux musiques électroniques et électroacoustiques vintage. Un très beau, une très belle compilation d'archives depuis les années 60. On va continuer avec une séquence de jazz free et un musicien que j'ai découvert il y a de ça quelques mois. Je vous avais déjà proposé dans l'Asile le plus sûr. Il s'agit du saxophoniste Chris Pitsiokos, qui est quelqu'un qui collabore pas mal avec un peu tout ce qui bouge, notamment aux États-Unis. Je pense au trompettiste Peter Evans, aussi à la chanteuse Lydia Lunch ou encore à Elliot Sharp, le guitariste. On vous l'avait proposé aux côtés de Wiesel Walter pour le disque Drone Uncoutured, qui était sorti sur le label One Hand Records en LP, et ça nous avait beaucoup mis la puce à l'oreille. Un son free et très très frais pour monsieur Chris Pitsiokos, qui revient avec un trio, le sien, dans lequel on le retrouve aux côtés de musiciens fort intéressants, notamment monsieur Kevin Chi, qui fait partie de Talibam, ou encore de Mostly Other People Do The Killing. Et on le retrouve aussi avec monsieur Johnson, Max Johnson, voilà, je cherchais son nom exact, qui est à la contrebasse. Un power trio comme on les adore dans les îles le plus sûr. C'est un disque qui vient de sortir sur l'excellent label New Atlantis, sorti au mois de juillet. Je propose d'écouter un extrait de ce Gordian Twine par cet excellent groupe, le Chris Pitsiokos Trio dans les îles le plus sûr. We'll be right back. We'll be right back. les deux derniers disques de Jazz Free pour clôturer la saison de l'Asie le plus sûr et de disques totalement récents sortis au mois de juillet. Tout d'abord, l'excellent disque de Chris Pitsiokos Trio sous le titre Gordian Twine, publié par New Atlantis. Un power trio vraiment qui décape de New Yorkais, qui était enchaîné avec le grand retour de Construct, bon, qu'on avait quitté il y a de ça quelques mois, notamment pour le disque qu'ils avaient sorti, le double album en compagnie de William Parker, le projet du guitariste et multi-instrumentiste turc Umut Emek Saglar, qui avait fait beaucoup de collaborations depuis 3-4 ans, notamment aux côtés de Joey McPhee, également de monsieur Peter Brotzmann et de quantité de légendes du jazz free européen et américain. Ils viennent tout juste de remettre le couvert avec un nouveau double album live enregistré à Istanbul le 17 janvier 2015 sous le titre Kaishi Live at Kargat. Et comme vous pouvez l'entendre, ça tend aussi un peu vers l'improvisation à la japonaise, puisqu'ils sont en compagnie du saxophoniste chanteur Akira Sakata. C'est un double album vinyle publié par les bons soins du label Holidays, qui dissèque et nous propose régulièrement la musique de ce combo post Art Ensemble of Chicago, mais made in Istanbul, que j'adore. Comme vous le savez, j'avais proposé déjà une spéciale en début de saison dernière au mois de septembre autour de cette formation du Bosphore, donc les Construct, avec ce live at Kargat sous le titre Kaishi, avec comme toujours une très très belle pochette pour ce double vinyle only sorti par le label italien Holidays. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez la réécouter sur le site asile35.blogspot.fr ou à partir du mixcloud.com/redman. On se retrouvera à la rentrée pour le direct pour de nouvelles aventures et nouveautés qui décapent dans l'Asile le plus sûr. Entre temps, 4 spéciales, 2 émissions, il fallait bien 2 émissions pour rendre hommage à monsieur Ornette Coleman, et aussi une émission, un diptyque autour de la musique de Pierre-André. Donc restez connectés sur le 94 MHz et sur l'Asile le plus sûr. Et on se termine avec un dernier projet et du drone et une nouvelle formation hexagonale qui répond au nom de Tanz Main Earth, dans laquelle on retrouve des musiciens du groupe France, également de Toad et de Sourdure, un mélange de générateurs de fréquences, de percussions, de tambourins, de violons et de bagpipes. On y retrouve notamment Pierre Bugeaud, qui est en interview dans l'insert qui accompagne ce disque vinylique qui est proposé par l'étiquette Standard In Hi-Fi. Ça fait beaucoup penser à du Tony Conrad, mais du Tony Conrad version musique traditionnelle française. Je vous souhaite une excellente nuit, à très bientôt.